rappeur qui cherche un beat. We'll have a drum in a minute, I think. Thank you, Dirty. Je pense que ça va aller, c'est en main. Thank you. préfère ta bouche, tes jambes, tes seins, quand t'as pas reste un beau sel. J'aime pas la vie, je préfère des épaules, tes poignets, ton menton, ta langue, tes yeux. J'aime pas la cul, mais tu peux, je suis pas un mec facile, c'est le premier soir, on va pas coucher. J'aime pas la cul, quand elle crie, à cœur perdu et que le monde vit. Putain, voisin, laissez-moi dire. Thank you. pluie verse et ninja pour l'instant. Il m'a au micro, le morceau il a lu dans mon cerveau. Et dans mon cerveau, que le son passe pas. Comme à l'époque où je ne rappais que devant ma glace. Monte le son dans ton casque. Thank you. for me last while by the morning. Not that you call me command, but my bell to serve a grand ash set for me by my cartoony. You better be a doony, she ain't a doony. She pop by me caress, and then my paris, me rap da repares, as to paris, she suis fou. J'ai de la malice, pas de caris. J'ai de la malice. Chaque opinion, moi, c'est mes pères d'espoir, c'est facile comme regarder les enfants avec du pouvoir, esquiver les enfants. Je viens violent, moi qui ai fait partie de la capitale. J'ai vu comment on est psychopathe. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.